toujours une guerre quelque part sur la terre. Comme si les militaires n'avaient que ça à faire. Lieu de se haïr, s'amuser à détruire. Les hommes devraient plutôt s'entraider, il le faut. À quoi servent ces guerres qui n'intéressent personne? À part faire la misère pour un peu de pétrole. Un lopin de terre, toujours les mêmes guignols qui mordent la poussière qu'on insulte et qu'on vole. Si les gouvernements, surtout les présidents, veulent s'amuser entre eux avec des armes à feu, qu'ils le fassent mais sans nous, qu'ils prennent un peu les coups. Nous on en a plein le dos de ces guerres à gogo. De la paix, moi j'ai la solution. Un combat pour de vrai à la télévision. Pour l'heure de nos dégâts qu'ils s'affrontent sur un ring. Tous ces beaux présidents habillés en smoking. Nous on serait tranquilles dans notre canapé. Voir ce match débile qui nous ferait rigoler. C'est nos représentants, après tout c'est normal. Tout ceci n'est qu'un rêve, c'est ce que je voudrais. Voir une fois une trêve, que tout le monde soit en paix. C'est à nous tous les grands faire que cela arrive. Apprendre à nos enfants d'éviter la dérive. À nous tous les grands de trouver le moyen que plus tard nos enfants ne vivent que pour le bien. C'est à nous tous les grands faire la vie une fête, donner à nos enfants une jolie planète, une jolie planète.